Nous arrivons aujourd'hui, peut-être certains vont dire enfin, à la fin de l'étude de Samuel avec le chapitre 24. Ça fait plus de 6 mois que nous avons commencé cette étude. Et je sais, pour avoir parlé avec certains d'entre vous, que cette étude a été riche parce que nous voyons l'exemple d'un homme qui est appelé dans la parole de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, nous avons pu réaliser que cet homme était loin d'être parfait. Nous avons vu qu'en fait, il avait commis des péchés. Et nous avons vu que cela pouvait nous encourager, pas à commettre des péchés, mais à persévérer, à aller vers Dieu, même si nous nous débattons dans nos vies avec des péchés, même peut-être des péchés habituels, mais que Dieu peut nous donner la victoire et qu'il peut nous utiliser. Encore une fois, c'est le thème de cette étude que nous allons commencer les mercredis. Et en fait, il n'y a pas de chose plus précieuse que de voir que le Seigneur nous utilise dans la vie de nos proches, la vie de notre communauté, la vie de nos contemporains. Savoir que l'on peut faire une différence pour le royaume de Dieu, il n'y a pas de chose plus merveilleuse. Tout le reste va passer, les richesses matérielles, la gloire parmi les hommes, les plaisirs, toutes ces choses vont disparaître. Mais ce que nous faisons pour Dieu, ce qu'il nous permet dans sa grande bonté de faire avec lui, c'est quelque chose qui demeure. C'est quelque chose qui demeure pour l'éternité. Et encore une fois, on va voir dans ce dernier chapitre de 2 Samuel, encore une fois, ce livre est... C'est un peu l'histoire racontée par Samuel, par les hommes, de cette période de l'histoire. Il y a dans le livre des Chroniques un récit des mêmes événements. Et souvent on dit que les Chroniques voient les choses sous l'angle de Dieu. Et ici on va voir que David va commettre son grand péché. Alors, peut-être c'est la surprise dans le cœur de beaucoup en disant, mais on connaît le grand péché de David. Ce grand péché, il commence avec un B et se termine avec A, Bathsheba. Puis il s'appelle Uri, qu'il a fait assassiner, Bathsheba avec qui il a commis l'adultère. Et en fait, nous allons voir que dans le cœur de David, il va réaliser qu'il y avait un péché encore plus grand encore, qu'il a commis, qui s'est notamment matérialisé à la fin de sa vie. David va commettre un péché. Un péché qui, selon un grand auteur chrétien, C.S. Lewis, est le pire des péchés. Parce que c'est un péché qui nous isole. Et Clive Staple Lewis, on sait pourquoi il se faisait appeler C.S., qui a envie de se faire appeler Clive Staple, il disait qu'en fait, même dans la débauche, il peut y avoir des facteurs positifs, entre guillemets. Il disait, imaginez un duo de personnes qui vivent dans la débauche, qui se saoulent, qui vivent dans la débauche sexuelle. Ces deux personnes peuvent avoir entre elles une amitié profonde, un désir d'aider l'autre. Il y a au moins... Il peut y avoir une relation qui rachète un peu la profondeur de la débauche, du péché. Mais il disait par contre, le péché le plus terrible, c'est le péché d'orgueil. Le péché d'orgueil parce que l'homme orgueilleux veut être le meilleur, il veut être tout seul. Il n'y a plus d'autres facteurs qui peuvent racheter l'homme orgueilleux. Et quand on y réfléchit bien, il y a toujours ce mystère de savoir comment Dieu a permis au péché d'entrer dans le monde. Mais c'est Satan qui, par orgueil, a péché en voulant se faire aussi grand que Dieu. Et on voit combien l'orgueil isole, combien l'orgueil fait du mal, combien l'orgueil détruit. Et aussi, si on est honnête, on voit bien comment le péché d'orgueil fait partie de la panoplie des péchés qui viennent avec notre vieille nature. Et ce qui est souvent un peu ironique, c'est que on peut voir l'orgueil chez les autres et dire qu'il est tellement stupide. On peut le juger, l'anéantir en disant il n'y a vraiment pas de quoi être fier de ce qu'ils font dans leur vie. Certes, ils ont peut-être des capacités, mais ils se prennent, on dit en français qu'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, ils pensent qu'ils sont aussi grands que Dieu. Ça, on le voit de façon transparente chez les autres. Par contre, si on est honnête, on va voir qu'en nous-mêmes, on est souvent aveuglé à ce péché d'orgueil. Et la meilleure façon de le réaliser, c'est lorsque autour de nous, les gens parlent en faisant des compliments des autres et sans jamais nous en faire. Et on va dire, « Ah, cette maman, qu'est-ce qu'elle est formidable, quel travail elle fait avec son enfant, comment elle est dévouée, comment elle aime son mari. » Et la mère, la femme qui écoute ses propos, si elle est honnête avec elle-même, elle va réaliser qu'en fait, elle aimerait bien qu'on lui dise « Et toi, tu es aussi formidable. » Et tous autant que nous sommes tellement susceptibles à l'orgueil. C'était le péché dans le jardin, lorsque Satan a susurré à Ève qu'en fait, que Adam et Ève pouvaient être aussi grands que Dieu. En fait, Dieu leur garde, les empêchait d'être aussi grand que lui par peur d'être contesté, par peur d'être mis au défi d'être le seul Dieu. Et David, qui encore une fois était sensible spirituellement, s'il commettait de grands péchés, il avait toujours cette faculté d'être sensible à l'Esprit Saint qui le reprenait, et de réaliser et de confesser son péché. Encore une fois, tous autant que nous sommes des êtres susceptibles de péché. Jean dit même que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et en fait, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de mourir, d'aller jusqu'au sacrifice ultime de la croix, si nous pouvions être justifiés par nos bonnes œuvres devant Dieu. On va commencer en lisant le chapitre 24 dans 2 Samuel, page 339 dans la Bible à la colombe. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez en demander une s'il en reste, ou sinon, je vous conseille de voir Anne qui s'occupe du dépôt-vente et qui peut vous en procurer une pour de l'argent, bon marché, mais achetez votre propre Bible pour que vous sentiez libre de la noter, de l'utiliser jour après jour. Et un peu comme un soldat ne partirait pas sans ses armes. Voilà, une Bible qui est bien mal en point, c'est une Bible qui veut dire que la personne est bien en point. Il y a une espèce de vase communicant. Plus j'use ma Bible et plus je me fortifie. Donc on voit que Marie-Christine est en bonne voie. Lisons ensemble, chapitre 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Elle excita David contre eux en disant « Va, fais le recensement d'Israël et de Juda ». Alors le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours donc toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on dénombre le peuple. Ainsi je saurai quel est le nombre des hommes du peuple. » Et Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux de mon Seigneur, le roi, le voient. Mais pourquoi mon Seigneur, le roi, désire-t-il faire cela ? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab et sur les chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée sortirent devant le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Yaézer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tatim-Otchi. Ils allèrent à Dan-Yahan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le Négeb de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et au bout de 9 mois et 20 jours arrivèrent à Jérusalem. Joab remit au roi le chiffre du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants tirant l'épée, et les hommes de Juda étaient 500 000. Apparemment, David fait quelque chose qui n'est pas très dangereux. Il va compter le peuple. Il va faire un recensement. Pourtant, il est dit au début que c'est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre Israël et qu'elle a incité David à aller faire le recensement d'Israël et de Juda. Ça, c'est le livre de 2 Samuel. Si on regarde dans 1 Chronique 21, passage parallèle, mais qui donne plutôt le point de vue, encore une fois, on l'a dit, le point de vue de Dieu pour les mêmes situations. Il est dit que, chapitre 21, verset 1 de 1 Chronique, que c'est Satan qui se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement d'Israël. Et s'ensuit le même récit, mais là on voit que c'est Satan qui va inspirer David à faire ce recensement. Alors, en quoi est-ce que c'est un péché que de faire un recensement ? Si on regarde dans le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 12, il est dit que lorsque tu feras le relevé des Israélites, c'est Dieu qui parle à Moïse, pour le dénombrer, autrement dit lorsque tu feras un recensement, chacun donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Dieu avait dit à Moïse que si il lui disait de faire un recensement, il fallait que chaque homme paye un certain montant d'argent qui était un demi-sicle, ça c'est le verset 13 suivant. Autrement dit, il devait y avoir un paiement. Et si on y pense bien, en fait, dans le monde antique, on avait le droit et on ne comptait que ceux qui nous appartenaient. Imaginez aujourd'hui, vous êtes parti en vacances pour quelque temps, vous avez demandé à votre voisin de réceptionner votre courrier pour pas que la boîte se remplisse et signale aux bandits que la maison est libre. Imaginez que lors de votre, à votre retour, on vous redonne un paquet d'enveloppes et vous voyez en fait que dans votre courrier de votre banque, la lettre a été ouverte. Alors c'est vrai qu'elle a pu être ouverte par inadvertance, si tant est que ces personnes soient clients de la même banque. Ils ont vu un courrier de la Société Générale et hop, ils ont ouvert et puis ils sont aperçus que c'était pas leur courrier. Ça, c'est une chose, on peut comprendre, on peut excuser. Mais si vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont entourés, soulignés, qu'il y a des taches de graisse, parce qu'en mangeant leur sandwich, ils ont regardé votre compte bancaire en détail, j'imagine que vous n'allez pas être très heureux. Parce que ce n'est pas leur droit, ce n'est pas leur prérogative, ça ne les regarde pas d'aller compter ce qui vous appartient. Et de la même façon, ce n'est pas le peuple de David, c'est le peuple de Dieu. Et ils n'ont rien à faire à compter les hommes et les femmes qui appartiennent au peuple de Dieu, à son peuple. Dans le cas de Moïse, c'est Dieu lui-même qui était à l'origine du recensement. Il demandait à Moïse de faire le recensement. Mais là, c'est Satan, il est dit donc dans deux chroniques, dans une chronique, qui va inspirer ce recensement. Et on remarque que c'est quelque chose de mal, parce que le fameux Joab, que nous avons vu tout au long de la vie de David, comme un homme sanguinaire, un guerrier violent, sans grands états d'âme. On a dit souvent que ce n'était pas quelqu'un de très spirituel. Et pourtant, c'est lui qui va reprendre David en disant que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux de mon Seigneur, le roi, le voient. Mais pourquoi est-ce que le roi veut faire un recensement? Autrement dit, il lui dit... Je prie pour que l'Église grandisse, je prie pour que le royaume d'Israël grandisse et que mon roi puisse voir ces résultats, le fruit de sa gestion du royaume, mais qu'il n'aille pas commettre ce péché de compter ce qui ne lui appartient pas, sans payer un demi-sicle par personne. Et puis, verset 4, il est dit que c'est l'exécutif qui l'emporte. Ce n'est pas l'armée qui gagne. Ça nous rappelle des événements contemporains d'une brûlante actualité. Sarkozy qui fait partir le chef d'état-major des armées. C'est Joab qui doit s'écraser, entre guillemets, devant David, même si lui et les chefs réalisent que ce n'est pas quelque chose que David devrait faire. Joab avait vraiment une liberté de parole devant David qui nous frappe toujours. On sait peut-être qu'il avait aussi des secrets. Il avait reçu ce courrier d'Uri, de David plutôt, porté par Uri, lui disant d'envoyer Uri en première ligne pour qu'il meure et que David puisse étouffer les rumeurs d'adultère et de scandale avant que le Seigneur ne le reprenne lui-même. Donc, Joab s'exécute avec les hommes de l'armée. Il n'est plus chef de l'armée, vous souvenez, mais il a beaucoup d'influence. Et c'est lui qui sillonne avec ses troupes bien organisées. Il sillonne le pays du nord au sud, jusqu'à Beersheba, dans le Negev, c'est-à-dire le sud de Juda. Et ils reviennent en disant au roi, voilà, il y a près de 1,5 million800 000 hommes en Israël et 500 000 en Juda, 1,3 million soldats en état de combat. Et à ce propos, j'aimerais faire remarquer que lorsqu'on va dans le livre des chroniques, on trouve 1 570 000. On a des chiffres un peu différents. Alors, il est possible qu'il y ait une explication de procédure, parce qu'il est dit que Joab n'a pas compté les Lévites ni les habitants de Benjamin. Peut-être que ça explique la différence, ou peut-être que tout simplement les traductions du texte original ont fait des petites erreurs. N'ayons pas peur des petites erreurs que l'on trouve comme ça dans la Bible. Certains prennent ces erreurs pour dire « Ah, c'est la preuve que la Bible raconte n'importe quoi, la Bible n'est pas digne de foi, on ne peut pas se fier à la Bible. » N'ayons pas peur de considérer ces différences, soit en voyant s'il y a une explication simple, comme celle qui disait que peut-être l'un c'était sans avoir tout compté, l'autre c'était en ayant compté tout le monde, ou peut-être une erreur de transmission. On sait que la Bible, lorsqu'on a retrouvé les documents de Qumran, nous a montré que le texte que nous avons est à 99% identique au texte que les gens qui étaient à Qumran avaient. Donc on a fait un bond dans les textes que nous avions, les originaux remontés au 9e siècle de notre ère, avec les textes masorétiques. Là, on a fait un bond de 1000 ans en arrière, et on sait que le texte que vous avez entre vos mains, il est digne de foi. Et ce texte, il peut avoir des petites variantes, mais ces variantes ne touchent en rien votre relation avec Dieu. Ce que vous devez faire pour plaire à Dieu. Ce n'est pas comme il y en a un qui dit « Vous pouvez vivre dans l'adultère et ça va plaire à Dieu » et l'autre qui dit « Non, vous ne devez pas commettre l'adultère. » Ne vous focalisez pas sur ces différences. Il y a des fois, on n'a pas de bonne réponse. Mais sur l'ensemble de tout le texte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on sait qu'on peut fonder notre vie. Donc, ne soyons pas omnubilés par ces différences. N'ayons pas peur, lorsque des critiques nous les font remarquer, de dire que, par exemple, pour les textes sur l'histoire des Gaules de César, on a beaucoup moins d'évidences manuscrites, on a beaucoup moins de textes, et pourtant, on ne questionne pas l'histoire de Vercingétorix, l'histoire de César. On peut contester Astérix et Obélix, parce que ça, c'est pas le texte original, c'est Uderzo et Goscinny. Mais je voulais juste signaler ça au passage, parce que certains m'auraient dit « Ah, tu n'as pas dit qu'il y avait un problème grave. » Il y a un petit problème, mais ce n'est pas un problème grave au niveau de votre foi et de la confiance que vous pouvez apporter à la Bible, quelle que soit la traduction. Si elle n'est pas une traduction du monde nouveau, faite par les témoins de Jéhovah, corrigée par ou avec l'ajout d'un livre de Mormon chez les Mormons, etc. Vous pouvez faire confiance à la Bible. Il y a différentes séries de manuscrits, il y en a qui sont les plus anciens et qui semblent moins appuyer la divinité de Jésus-Christ. Il y en a d'autres plus récents qui appuient avec force le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais tous ces deux textes, on peut voir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ça, c'est clé d'une Bible qui respecte la vérité. Alors, continuons. Verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi compté le peuple. David dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi tout à fait en insensé. » David, lorsqu'il avait commis ce péché avec la femme d'Uri, il avait reconnu qu'il avait commis un péché et il avait dit au prophète Nathan, il lui avait dit, il avait confessé son péché. Et au verset 13 du chapitre 12 de 2 Samuel, David avait dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan avait dit, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras pas. » On avait dit que le pardon avait interrompu la confession, mais ici, David dit qu'il a commis un grand péché, chose qu'il n'avait pas dite. Il avait simplement péché contre l'Éternel. Encore une fois, on avait dit que le même acte est un vice pour soi-même, un meurtre, un crime pour ceux qui nous entourent, mais un péché contre la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il disait « Contre toi seul, j'ai péché ». Mais là, il reconnaît qu'il a péché d'une façon encore plus grave. Pourquoi ? Parce que si vous voyez ce qu'il a compté, il n'a pas compté les hommes et les femmes et les enfants, il a compté les soldats. Ce qu'il a commis, c'est un péché d'orgueil. Il a voulu voir quelles étaient ses forces, Il a voulu se dire, combien est-ce que j'ai de personnes le dimanche matin à l'église ? J'en ai plus que le voisin, donc je suis un plus grand pasteur. J'ai plus de troupes que le roi d'à côté, je vais pouvoir m'imposer, je vais pouvoir conquérir du terrain. Et ça, c'est un péché d'orgueil. On ne compte plus sur le Seigneur, on compte sur nos propres ressources. Qu'il est loin le temps où un jeune berger, repris par l'Esprit Saint devant les insultes qui étaient proférées contre le Dieu d'Israël, compter 5 pierres et se lancer pour tuer Goliath et de façon possible ses 4 frères dont nous avons parlé à la fin de Samuel. Il ne s'était pas demandé combien de troupes il avait avec lui. Il avait juste foncé, il avait enlevé l'armure que Saül voulait lui donner pour aller combattre en disant « Le combat appartient à l'Éternel. » Là, il ne compte plus sur Dieu. Il compte sur ses ressources. Nous aussi, nous sommes capables d'en venir à ce péché d'orgueil et à se dire que nous avons accumulé des ressources. Au tout début, je ne connaissais pas tellement la Bible, mais j'allais en parler sur la promenade des Anglais. Ça ne me gênait pas. Je disais ce que Dieu avait fait dans mon cœur et j'étais heureux de pouvoir partager sa bonté avec ceux qui ne le connaissaient pas. Maintenant, j'ai fait l'école biblique. J'ai lu la Bible complètement des dizaines de fois, peut-être. Mais je ne sors plus partager ma foi. Je suis trop occupé à servir dans l'Église. Je suis trop occupé à me dire, qu'est-ce que je connais bien la Bible ? Je suis trop occupé à mémoriser. Le péché d'orgueil, encore une fois, c'est quelque chose qui est sournois, qui est insidieux. Avec les meilleures intentions du monde, on peut penser qu'on est humble. Et on se dit, qu'est-ce que je suis devenu humble ? Et pof ! On est retombé dans le péché d'orgueil. C'est un péché qui nous guette tous, quel que soit notre ministère, que ce soit un péché, un ministère auprès de nos enfants, auprès de nos voisins, dans une église, dans un mouvement para-ecclésial, pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on réalise vraiment que tout ce qui compte, tout ce qui est fait pour la gloire de Dieu, ce n'est pas ma force, ce n'est pas qu'il a accompli, c'est Dieu malgré moi. Et si on s'éloigne de cette réalité des choses, si on s'éloigne de cette perspicacité, de cette intelligence de réaliser qu'en fait, c'est Jésus qui construit l'Église, c'est le Seigneur qui bâtit la maison. Et si on pense qu'on va l'aider, qu'on va lui donner un coup de main, alors on n'a rien compris. Et il va falloir qu'il nous reprenne pour nous montrer en fait que c'est dans notre faiblesse que s'exerce sa puissance. C'est lorsque je reconnais que j'ai des mains vides, c'est lorsque je reconnais que j'y arrive pas tout seul, que je sais pas comment faire. Malgré mes années de ministère, je sais toujours pas qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine. Parce que Dieu veut que je vienne à lui. Dieu recherche l'intimité. Il veut me voir, donc il va me mettre dans des situations où je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Mais c'est lorsque j'arrive à cette conclusion, à cette reconnaissance de ma faiblesse immense, que je peux venir à lui et qu'il peut remplir mes mains, qu'il peut me guider, qu'il peut me donner l'Esprit Saint, qu'il peut me donner de bonnes choses. Tout cadeau et don parfait viennent du cœur du Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre, ni variation de lumière, ni changement, disait Jacques, inspiré par l'Esprit Saint. David reconnaît qu'il a commis un grand péché, qu'il a agi tout à fait en insensé. Il dit « J'étais stupide ». Ça prend un homme selon le cœur de Dieu pour dire « J'ai fait l'insensé, j'étais un imbécile ». Lisons la suite. « David se leva le matin et la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Gad, le voyant de David en ces mots. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux. Choisis-en un et je l'exécuterai contre toi. » Gad arriva chez David et lui rapporta ceci. Est-ce qu'il t'arrivera 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes adversaires qui te poursuivront, ou sera-ce, ça c'est la traduction seconde, on ne dit pas sera-ce, c'est pas beau, on dit est-ce que ce sera 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant prends-en connaissance et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Un passage intéressant. David reconnaît qu'il a péché, que Dieu doit le punir. Et Dieu lui propose trois punitions. Drôle de test. Curieux. Trois options. 7 années de famine. Il y a déjà eu 3 ans de famine, encore 7 années de famine, rebelote, mais pour 7 ans au lieu de 3. Ou alors, la défaite, la poursuite des adversaires qui t'auront mis en déroute pendant 3 mois. David avait l'habitude de fuir devant des troupes. Mais il y a une autre option, 3 jours de peste, ou de pestilence, ou de maladie sur le pays. 3 options. Aucune ne semble tellement intéressante. M'est arrivé des fois lorsque mes enfants étaient plus petits, de leur demander qu'est-ce que je devais leur faire après qu'ils aient commis une bêtise. Et en général, ils me proposaient une solution où je les pardonnais sans rien faire de mal. Et je leur disais, c'est pas une option. Et ils poussaient un grand soupir de dépit et ils devaient choisir entre la fessée ou plusieurs jours sans Nintendo. Est-ce que tu préfères 3 mois sans Nintendo ou 3 mois sans glace à la vanille ? Non, là, les 3 options, sont tout aussi détestables l'une que l'autre. Et David répond à Gad, au prophète, « Je suis dans une grande détresse. » C'est pas facile, c'est... Mais il se dit, « Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Alors là, on a un petit peu de mal à comprendre pourquoi ça signifie qu'il va envoyer, il choisit la dernière option de la maladie contagieuse qui tombe sur tout le pays. Mais David connaît assez Dieu pour savoir qu'on peut se confier en la grâce de Dieu, entre sa compassion, entre sa miséricorde, on peut se confier à ça plutôt que de s'en remettre aux hommes. David a bien connu l'homme, il a dû fuir devant le roi Saül, il a vu les trahisons des hommes qu'il croyait être ses proches amis, ses proches conseillers. Il a vu aussi lui-même dans son cœur, dans sa vie, dans son exemple, comment l'homme n'est pas digne de foi. Et donc il dit, je ne veux pas les deux premières options parce que ce serait faire confiance à l'homme. C'est vrai que s'il y a 7 années de famine, il va falloir compter sur l'aide des pays étrangers, des pays avoisinants, pour amener du blé, pour amener de la nourriture. Autrement dit, il va falloir faire confiance à d'autres pour amener la nourriture. Il est probable aussi que ça affecterait plus le pays que David lui-même, lui qui est la maison royale, avait des provisions, des ressources, sans doute s'il y avait quelque chose, ça irait d'abord au roi. Mais il réalise que 7 années de famine, ça serait dépendre des hommes et ça ferait beaucoup de mal au peuple sur qui il est le roi, duquel il est le roi. Il réalise aussi que s'il y a une fuite devant des hommes armés, il va falloir faire confiance à d'autres hommes, à ses propres troupes pour essayer de renverser la tendance ou compter sur la bienveillance de ses adversaires qui les poursuivent pour qu'ils leur fassent grâce. Et David n'est pas un homme selon le cœur de Dieu pour faire confiance aux hommes. Et donc il s'en remet à cette dernière option de maladie, de peste, en disant que ça va frapper aussi bien le roi, sa famille, que tout le pays. L'option d'adversaires armés, ça toucherait surtout les soldats et ce serait encore une fois quelque chose que le roi duquel le roi serait protégé. Et donc on voit, en réfléchissant un peu, en lisant le livre de Première Chronique, Chronique 1, que cette dernière option, dire à Dieu de faire venir laisser tomber la peste, aujourd'hui on dirait que le sida ou la maladie, une poussée de fièvre Ebola tombe sur le pays, que la chikungunya arrive sur le pays, il s'en remet à ça. Il dit « Dieu, fais-le ». Et verset 15, « L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé ». En plus, il n'y en a que pour 3 jours. On peut se dire « C'est mieux que 3 mois ou... » ou bien des 7 années de famine. Là, il n'y a que 3 jours. Il choisit cette option. Et l'Éternel, verset 15, envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, autrement dit du nord au sud du pays, dans tout le pays, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Waouh ! On voit que ce péché est un grave péché, avec... Bathsheba, il y a eu bien sûr Bathsheba, Uri qui est mort, il y a eu Amnon, il y a eu Absalom, après il y a eu tout l'épée qui est restée sur la famille de David. Mais là, il y a en 3 jours, il y a plus de morts que pendant des années après ce péché de Bathsheba, 70 000 hommes. Verset 16, « Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel eut du regret à cause de ce malheur et dit à l'ange destructeur qui était parmi le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Yébousien. David s'adressa à l'Éternel quand il vit l'ange qui frappait parmi le peuple et il dit, « Voici, c'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai commis la faute. Mais ce peuple, qu'a-t-il fait ? Que ta main soit donc sur moi et sur ma famille. » Ce jour-là, Gad arriva chez David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna le Yébousien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Verset 20, « Aravna regardait d'en haut et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Alors Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour t'acheter l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire du peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qui lui semblera bon. Vois, le bétail sera pour l'holocauste et les herses avec l'attelage serviront de bois. Ô roi Aravna, donne tout au roi. » Aravna dit encore au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je te l'achèterai en bonne et due forme et pour un prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes gratuits. » David acheta l'air et le gros bétail pour 50 sicles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. 70 000 hommes qui périssent et l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort qu'on avait vu dans la Genèse, dans l'Exode plutôt, lorsque les premiers-nés d'Israël étaient tués par l'ange de l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas reçu le signe du sang sur leur maison, comme les enfants d'Israël l'avaient fait après avoir sacrifié l'agneau et répandu le sang sur le linteau de leur porte. Cet ange de l'Éternel est à l'œuvre et il s'approche de Jérusalem pour détruire. Et il est dit que l'Éternel a du regret. En fait, ce n'est pas comme si l'Éternel dit « Oh zut, j'ai été trop fort ». Non, c'est un sentiment que l'homme prête à l'Éternel. C'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire une action de l'homme qu'on l'on applique à Dieu, comme lorsqu'on parle des oreilles de Dieu ou le cœur de Dieu. Il n'a pas un énorme cœur avec des ventricules qui mesurent 10 000 mètres cubes. C'est une façon de parler pour parler de choses spirituelles. Et lorsqu'on dit que l'homme, l'Éternel, a du regret, c'est parce qu'il semble qu'il change d'attitude. Mais depuis le début, il sait ce qu'il fait, il ne change pas d'avis. Mais il semble qu'il ce soit le regret qui fasse qu'il décide d'arrêter, qu'il veuille arrêter. Et là, il trouve là l'intercession de David. Nous avons un grand David dans les cieux qui intercède pour nous, Jésus. C'est ce à quoi il passe son temps maintenant. Et ici, le petit David intercède. Il ne cherche pas à éviter, à se priver du châtiment. Il est prêt à accepter la colère de Dieu sur lui-même. Il dit, c'est pas eux qui ont péché, c'est moi qui ai commis la faute. Que ta main, que envoie cette maladie d'Ebola sur moi et ma famille. Et il se trouve que par l'intermédiaire du prophète Gad, l'Éternel dit à David d'aller élever un autel sur l'aire d'Aravna. Alors peut-être que vous connaissez mieux ce personnage sous le nom d'Ornan, le Jébusite. C'est ainsi qu'il est appelé dans le livre des Chroniques, mais c'est la même personne, c'est le même air à blé. L'air, c'était un endroit où on séparait le blé, la graine, du son. On pouvait jeter les grains de blé en l'air et le vent emportait le son, la partie légère, l'enveloppe de la graine de blé qui est très légère est séparée par le vent, elle est emportée par le vent et la graine plus lourde retombe. vous souvenez que Gédéon, qui n'était pas courageux, faisait cette tâche dans un creux. Il s'était caché dans une dépression pour être à l'abri, pour pas qu'on le voie, que les Philistins ne le voient pas en train de produire du blé. Et on avait fait remarquer à l'époque que c'était complètement stupide parce qu'il n'y avait pas le vent pour séparer le il n'y avait pas le ventilateur pour séparer la graine du son de l'enveloppe. Et là, il y avait cet air qui était situé sur une éminence, l'air d'Aravna le Yébousien. Les Yébousiens, encore une fois, c'était les habitants qui habitaient à l'endroit qui est devenu Jérusalem, que Joab avait conquis au début de ce récit. Et David, tout de suite, sans perdre de temps, il monte, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné, et il veut aller acheter ce terrain, parce que Dieu lui demande d'élever un autel. Cet homme se demande ce qui se passe lorsqu'il voit d'en haut monter le roi et sa suite. Et il se demande, mais pourquoi vous venez ici ? Et David lui dit, il aurait pu lui dire, c'est pour ce que je dois offrir je dois monter un autel et offrir des sacrifices pour que l'Éternel arrête la maladie. Mais David veut acheter ce champ. Et l'homme proteste en disant, mais non, c'est pas la peine. Moi, je te donne le champ, je te donne même mes bœufs, tu pourras les offrir en sacrifice. Et tu as besoin de bois pour offrir cet holocauste, pour offrir ces sacrifices. Eh ben, tu peux utiliser mon attelage, tu peux utiliser la herse qui passait sur les blés pour séparer déjà une première fois les graines. Je te donne tout ça. Moi, ça me fera plaisir. Ça me fera. Je serai béni si tu acceptes et que Dieu accepte. Ce Yébousien, ce païen, était devenu un croyant en Dieu. Il était devenu un serviteur de Dieu. Ça, c'est un beau miracle. Et c'est toujours quelque chose qui me réjouit de voir que je l'ai vu dans ma vie, mais c'est toujours pour moi le plus grand miracle. C'est qu'un non-croyant, quelqu'un qui rejette l'existence de Dieu, qui ne pense pas que la Bible soit sa parole, qui ne pense pas que Jésus soit mort pour ses péchés, lorsqu'une personne vient à la foi en Jésus-Christ, une personne vient au salut, je suis d'une grande incrédulité, je crois que c'est tellement impossible. Et pourtant Dieu, moment après moment, personne après personne, me montre qu'il est capable de ce merveilleux miracle. C'est le plus grand miracle, c'est le miracle le plus important autour de nous. C'est pas de guérir les malades, même si ça peut être des miracles qui conduisent à la foi. Le plus important, c'est le miracle du salut. Et cet homme, Aravna ou Ornan, était devenu un homme qui était prêt à tout donner par amour pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à tout donner par amour pour Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à donner vos ressources, vos possessions, votre appartement, mon salaire? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie à Dieu? Ornan ou Aravna était prêt à le faire. La réponse de David montre aussi que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il dit non, non, non, non, pas question. Je vais te l'acheter comme il se doit. Je vais payer le prix fort, je ne veux pas de ristourne parce que je suis le pasteur ou parce que vous êtes dans l'annuaire évangélique. Non, je paye le prix plein parce que Dieu qui pourvoit permet que je puisse l'acheter au prix fort. Et David ajoute cette chose, je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes gratuits. Autrement dit, je ne vais pas faire une offrande à Dieu, je ne vais pas faire un sacrifice qui ne me coûte rien. Trop souvent, si on est tant soit peu honnête, on s'aperçoit que nous avons tendance à servir Dieu avec l'idée de quel est le minimum que je puisse donner à Dieu pour qu'il me compte parmi les justifiés, pour qu'il me compte parmi ceux qui seront sauvés, pour qu'il me compte parmi ceux à qui il dira « Bien joué, fidèle serviteur, bien... » On a tendance à dire, dans notre vie de prière, d'accord, je crois qu'il faut lire toute la Bible en un an. Mais si je lis que le Nouveau Testament en un an, c'est déjà pas mal, il y en a qui lisent rien du tout. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça me coûtera moins? Ça me prendra moins de temps, je pourrais regarder la télé ou je pourrais faire du sport ou... Est-ce que je suis prêt à payer le coût? Est-ce que je me dis, c'est sûr, je ne vais pas à l'église le mercredi, le mardi, je n'ai pas trop le temps, mais je vais le dimanche, au moins le dimanche. Est-ce que c'est ça notre attitude? Ou est-ce qu'on est prêt, comme à Ravna, à dire, je donne tout? Petite question qui peut nous mettre mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il en est de mon argent, de mes ressources, de mon temps? Est-ce que je suis prêt à venir faire le ménage le samedi quand il fait 45 degrés dans les pièces du devant? Est-ce que je suis prêt à donner de mes ressources financières à l'Église, au service de Dieu? Ou est-ce que, au lieu de donner 10%, je me dis qu'après tout, 1%, c'est pas mal? Ou est-ce que je prie pour que le Seigneur me mette sur le cœur de donner peut-être de façon un peu folle aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices qui nous coûtent? Ou est-ce que, comme beaucoup, nous faisons des sacrifices qui ne nous coûtent pas beaucoup? Je crois que le Seigneur veut nous parler. Il veut me parler. Encore une fois, la parole ne vise pas seulement la congrégation, elle nous vise tous, le prédicateur y compris. David paye le prix fort, il bâtit un autel, il offre des holocaustes. Il savait que les conséquences du péché n'étaient pas suffisantes pour pardonner le péché. Les 70 000 morts, ça faisait du monde. Mais il savait qu'il devait encore offrir, bâtir un autel. Il fallait qu'il intercède, il fallait qu'il bâtisse un autel et qu'il sacrifie un holocauste. Et encore une fois, tout ce livre de Samuel, ce serait une étude vaine si on ne voyait pas le grand David. Le grand David qui intercède pour nous. Ce n'est pas les conséquences de notre péché qui pardonnent notre péché, c'est l'intercession et c'est le sacrifice d'un autre. C'est l'holocauste qu'il a offert en s'offrant lui-même, une fois pour toutes, sur l'autel de la croix. Et cet endroit, il est tellement important, cette ère du Yébousien, Ornan ou Aravna, parce qu'en fait, il est dit plus loin dans un autre livre que c'est le lieu où Abraham avait offert son propre fils Isaac en sacrifice. Et c'est aussi le mont Moria où Jésus-Christ lui-même est mort sur la croix. On a la chair de poule en pensant à la continuité, en voyant l'harmonie de toute la Bible, dès Abraham, que nous pouvons partager avec nos frères musulmans. Nous pouvons les prendre, leur rappeler le sacrifice d'Abraham, leur dire que c'est pas le frère d'Isaac, c'est pas Ismaël qui a été sacrifié, c'est Isaac, et que c'était une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ sur le même endroit. Lorsqu'on va à Jérusalem, on peut voir le mont du Temple. Maintenant, la presse française parle de l'esplanade des mosquées. L'esplanade des mosquées, les mosquées ont été construites bien après que David ait acheté ce terrain aux Jébusites. Bien après que David, son fils plutôt, ait bâti le temple. Bien après que Jésus-Christ... C'est le mont du temple, c'est pas l'esplanade des mosquées. Ne vous laissez pas prendre à la propagande anti-Dieu, anti-Israël, que nous trouvons trop souvent dans nos médias occidentaux. Cette continuité, ce sacrifice qui nous coûte, c'est le sacrifice qui a tout coûté à Dieu. La chose la plus chère au Père, Jésus-Christ, son propre Fils, qui de toute éternité avait une intimité profonde et infinie avec lui, il a donné son Fils. Il n'a pas offert un sacrifice qui ne coûtait rien, parce que un sacrifice gratuit, ça ne vaut rien. Une religion qui ne vous coûte rien, c'est une religion qui vaut rien. L'idée, ce n'est pas de dire « il faut travailler, il faut faire dur en échange pour que Dieu soit impressionné, que Dieu me donne en retour. » Non, il faut être convaincu que Dieu a tout donné et que la moindre chose que je puisse donner en échange, en retour, en remerciement, en réaction, c'est de tout lui donner. Amen.